C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons, avec une extrême vélocité, dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque, ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, implantés sur sa tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure des furies. On voyait distinctement les 250 ventouses disposées sur la face interne des tentacules sous forme de capsules semi-sphériques. Parfois, ces ventouses s'appliquaient sur la vitre du salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre, un bec de corne, fait comme le bec d'un perroquet, s'ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la nature! Un bec d'oiseau à un mollusque. Son corps, fusiforme et renflé de sa partie moyenne, formait une masse charnue qui devait peser 20 à 25 000 kg. Sa couleur inconstante, changeant avec une extrême rapidité, suivant l'irritation de l'animal, passait successivement du gris livide au brun rougeâtre. De quoi s'irritait ce mollusque? Sans doute de la présence de ce Nautilus, plus formidable que lui, et sur lequel ses bras suceurs ou ses mandibules n'avaient aucune prise. Et cependant, quel monstre que ces poulpes! Quelle vitalité le créateur leur a départie! Quelle vigueur dans leur mouvement, puisqu'ils possèdent 3 cœurs! Le hasard nous a mis en présence de ce calmar, et je ne voulais pas laisser perdre l'occasion d'étudier soigneusement cet échantillon des céphalopodes. Je surmontais l'horreur que m'inspirait son aspect, et, prenant un crayon, je commençais à le dessiner. D'autres poulpes apparaissaient à la vitre de tribord. J'en comptais 7. Ils faisaient cortège au Nautilus, et j'entendais les graissements de leur bec sur la coque de tôle. Nous étions servis à souhait. Je continuais mon travail. Ces monstres se maintenaient dans nos eaux avec une telle précision qu'ils semblaient immobiles, et j'aurais pu les décalquer en raccourci sur la vitre. D'ailleurs, nous marchions sous une allure modérée. Tout à coup, le Nautilus s'arrêta. Un choc le fit tressaillir dans toute sa membrure. « Est-ce que nous avons touché ?» demandai-je. « En tout cas, répondit le Canadien, nous serions déjà dégagés, car nous flottons. » Le Nautilus flottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient pas les flots. Une minute se passa. Le capitaine Nemo, suivi de son second, entra dans le salon. Je ne l'avais pas vu depuis quelque temps. Il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peut-être, il alla au panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second. Celui-ci sortit. Bientôt, les panneaux se refermèrent. Le plafond s'illumina. J'allai vers le capitaine. « Une curieuse collection de poulpes, lui dis-je, du ton dégagé que prendrait un amateur devant le cristal d'un aquarium. En effet, monsieur le naturaliste, et nous allons les combattre, corps à corps. » Je rendis le capitaine. Je croyais n'avoir pas bien entendu. « Corps à corps, répétai-je. » « Oui, monsieur, l'hélice est arrêtée. Je pense que les mandibules cornées de l'un de ces calmars se sont engagées dans ces branches, ce qui nous empêche de marcher. Et qu'allez-vous faire ? Remonter à la surface et massacrer toute cette vermine. Entreprise difficile. En effet, les balles électriques sont impuissantes contre ces chairs molles où elles ne trouvent pas assez de résistance pour éclater. Mais nous les attaquerons en lâche. Et au harpon, monsieur, dit le Canadien, si vous ne refusez pas mon aide. Je l'accepte, maître Land. Nous vous accompagnerons, dis-je. Et, suivant le capitaine Nemo, nous nous dirigeâmes vers l'escalier central.